Le livre de Monel, troisième partie. Monel. De sa vie. Je ne sais pas où Monel me prit par la main, mais je pense que ce fut dans une soirée d'automne, quand la pluie est déjà froide. Viens jouer avec nous, dit-elle. Monel portait dans son tablier des vieilles poupées et des volants dont les plumes étaient fripées et les galons ternis. Sa figure était pâle et ses yeux riaient. « Viens jouer, » dit-elle, « nous ne travaillons plus, nous jouons. » Il y avait du vent et de la boue. Les pavés luisaient. Tout le long des auvents de boutiques, l'eau tombait, goutte à goutte. Des filles frissonnaient sur le seuil des épiceries. Les chandelles allumées semblait rouge. Mais Monel tira de sa poche un dé de plomb, un petit sabre d'étain, une balle de caoutchouc. « Tout cela est pour eux, » dit-elle. « C'est moi qui sors pour acheter les provisions. »« Et quelle maison avez-vous donc? Et quel travail? Et quel argent, petite... Monel ?» dit la fillette en me serrant la main. « Il m'appelle Monel. » Notre maison est une maison où on joue. Nous avons chassé le travail et les sous que nous avons encore nous avaient été donnés pour acheter des gâteaux. Tous les jours, je vais chercher des enfants dans la rue et je leur parle de notre maison et je les amène. Et nous nous cachons bien pour qu'on ne nous trouve pas. Les grandes personnes nous forceraient à rentrer et nous prendraient tout ce que nous avons. Et nous, nous voulons rester ensemble et jouer. Et à quoi jouez-vous, petite Monel? Nous jouons à tout. Ceux qui sont grands se font des fusils et des pistolets, et les autres jouent à la raquette, sautent à la corde, se jettent la balle, ou les autres dansent des rondes et se prennent les mains, ou les autres dessinent sur les vitres les belles images qu'on ne voit jamais et souffle des bulles de savon. Ou les autres habillent leurs poupées et les mènent promener, et nous comptons sur les doigts des tout-petits pour les faire rire. La maison où Monel me conduisit paraissait avoir des fenêtres murées. Elle s'était détournée de la rue, et toute sa lumière venait d'un profond jardin. Et déjà là, j'entendis des voix heureuses. Trois enfants vinrent sauter autour de nous. « Monel, Monel » criaient-ils. « Monel est revenu !» Ils me regardèrent et murmurèrent. « Comme il est grand! Est-ce qu'il jouera, Monel ?» Et la fillette leur dit. « Bientôt, les grandes personnes viendront avec nous. Elles iront vers les petits enfants. Elles apprendront à jouer. Nous leur ferons la classe. Et dans notre classe, on ne travaillera jamais. Avez-vous faim ? » Des voix crièrent. « Oui, oui, oui, il faut faire la dînette !» Alors furent apportées des petites tables rondes et des serviettes grandes comme des feuilles de lilas et des verres profonds comme des dés à coudre et des assiettes creuses comme des coquilles de noix. Le repas fut de chocolat et de sucre en miettes. Et le vin ne pouvait pas couler dans les verres, car les petites fioles blanches, longues comme le petit doigt, avaient le cou trop mince. La salle était vieille et haute. Partout brûlaient des petites chandelles vertes et roses dans les chandeliers d'étain minuscules. Contre les murs, les petites glaces rondes paraissaient des pièces de monnaie changées en miroirs. On ne reconnaissait les poupées d'entre les enfants que par leur immobilité, car elles restaient assises dans leur fauteuil ou se coiffaient, les bras levés, devant de petites toilettes où elles étaient déjà couchées, le drap ramené jusqu'au menton dans leur petit lit de cuivre. Et le sol était jonché de la fine mousse verte qu'on met dans les bergeries de bois. Il semblait que cette maison fût une prison ou un hôpital. mais une prison où on enfermait des innocents pour les empêcher de souffrir, un hôpital où on guérissait du travail de la vie. Et Monel était la geôlière et l'infirmière. La petite Monel regardait jouer les enfants, mais elle était très pâle. Peut-être avait-elle faim. « De quoi vivez-vous, Monel ?» lui dis-je tout à coup. Et elle me répondit simplement, « Nous ne vivons de rien, nous ne savons pas. » Aussitôt, elle se prit à rire, mais elle était très faible. Et elle s'assit au pied du lit d'un enfant qui était malade. Elle lui tendit une des petites bouteilles blanches et resta longtemps penchée, les lèvres entr'ouvertes. Il y avait des enfants qui dansaient une ronde et qui chantaient à voix claire. Monel leva un peu la main et dit « Chut !» Puis elle parla doucement avec ses petites paroles. Elle dit « Je crois que je suis malade. Ne vous en allez pas. Jouez autour de moi. Demain, une autre ira chercher de beaux jouets. Je resterai avec vous. Nous nous amuserons sans faire de bruit. Chut ! Plus tard, nous jouerons dans les rues et dans les champs, et on nous donnera à manger dans toutes les boutiques. Maintenant, on nous forcerait à vivre comme les autres. Il faut attendre. Nous aurons beaucoup joué. » Monel dit encore, « Aimez-moi bien, je vous aime tous. » Puis elle parut s'endormir près de l'enfant malade. Tous les autres enfants la regardaient, la tête avancée. Il y eut une petite voix tremblante qui dit faiblement, « Monel est morte !» Et il se fit un grand silence. Les enfants apportèrent autour du lit les petites chandelles allumées. Et, pensant qu'elle dormait peut-être, ils rangèrent devant elle, comme pour une poupée, de petits arbres verts clairs, taillés en pointe, et les placèrent parmi les moutons de bois blanc pour la regarder. Ensuite, ils s'assirent et la guettèrent. Un peu de temps après, l'enfant malade, sentant que la joue de Monel devenait froide, se mit à pleurer.